Parce que dans la folie, comme ça, il faut quand même... Oui, tout à fait. Attention. Pour ton petit corps. L'expérience que j'ai eue, c'était avec des gens que je connaissais, qui j'avais en termes de confiance. Voilà. Tu l'as fait sans capote, parce que tu avais confiance en eux. Voilà, c'est pour ça que si j'ai rencontré quelqu'un... Oui, tu l'as rencontré. Tu vois. Tu l'as rencontré. Oui, oui, oh, bah oui, t'as rien. Non, puis un séropositif, ça se voit tout de suite. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, ça. Moi, je te conseillerais quand même, vu que c'est la journée nationale du sida jeudi, de pas recommencer cette petite expérience. Oui, il faut quand même que tu mettes des préservatifs et que tu prennes des préventions. Même s'il est vraiment bien, il est propre sur lui. Même s'il est propre sur lui. Oui, bah oui. Hein? Mais tu vois, je pense que c'est un moment... Tu feras attention. On t'explique, hein, mon petit chat. Tu nous dois quelque chose, on t'a donné un bon conseil. D'accord. On va dire un petit chèque de 200. Et tu veux, directement. alors, donc, des hommes, de quel âge à quel âge? Quelqu'un de plus âgé que moi. Je voudrais quelqu'un à partir de 25 ans, de 25 à 35 ans. C'est ça, ok. Costaud, dominateur. Peut-être barbu. Je le vois très bien, barbu et moustachu. Barbu, moustachu. Oui. Est-ce que tu imposes quelque chose de bien précis? Non, je suis prêt à toutes les propositions. Dans la mesure où dérouiller. Il est dominateur, qu'il soit ton maître. Et évidemment, très bien membré, de toute façon. Et oui, tu vas dérouiller parce que tu es une belle petite garce. Ah, on y est, on va pas. Oui. Tu vas bien te faire dérouiller, on va te trouver un beau mari. Et vous pourriez me donner quelques détails pour intégrer le milieu, si vous avez toutes les relations que vous avez. Bien sûr, mais c'est pas la peine de chanter, on va te... on va te donner de ça, faire des vocalises. On va te donner ça, Alexandre. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement? Des adresses de sonar. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, peut-être des adresses, oui. Des adresses pour quoi faire? Pour rencontrer un camarade. Voilà, pour rencontrer un camarade. Alors, un camarade, surtout dans le côté hard. Oui, mais qui serait prêt quand même à m'apprendre et pas faire tout de suite des choses très hard. Bah à ce moment-là, tu lui dis. Mais pour rencontrer ce genre de camarade, tu vas au transfert. Au transfert. Ça s'appelle le transfert. Et l'adresse. Mais uniquement pour les garçons, qui recherchent des garçons. Hein. Oui. C'est rue de la Sourdière. J'ai pas le numéro. Le numéro, non. Bon, n'y va pas surtout BCBG, oui. Parce que à aucun coup tu pourras rentrer. Il a jean, basket crade et un blouson. Et blouson, voilà. Tu vois? Ou Santiago. Voilà. Et puis bon, bah là, il y a des pas mecs, et tu vas sentir que je pourrais trouver quelqu'un. Sans problème. Sans problème. La meilleure adresse de Paris pour ce genre voilà. de choses. Pour ce genre de choses. Et puis après, tu repars avec et tu vas baiser à la maison. Hein? Voilà, donc c'est ça, hein, le mieux, parce que toutes les autres boîtes, bon, c'est des boîtes où c'est quand même assez difficile de draguer, où il y a beaucoup de monde, où les gens sont un peu serrés, et c'est un petit peu prout-prout ma chère, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Alors que là, ça serait vraiment direct. Non, là, c'est direct, le mec que t'as envie, tu le regardes, si t'es pas... dépourvu par la nature de toute la petite beauté qu'on aurait pu t'apporter, il n'y a pas de problème, tu trouveras. C'est les premiers numéros. Vas-y, en plus, ils aiment les grands beaux mecs comme toi. Le 7 ou le 9, comme ça. Toi. Ok. D'accord, bah, je te verrai. Rue de la Sourdière. Hein? À côté de l'église Saint-Roch. Ça donne dans la rue Saint-Honoré. À la hauteur de l'église Saint-Roch, tu vois. D'accord. Au métro Palais-Royal. Oui. Métro okay. Palais-Royal. Voilà, tu iras. Okay. Voilà, et tu viens de ma part. C'est David qui m'envoie. Voilà. Ok, bah, voilà. J'entends avec ton problème alors. Ok. Allez, et s'il y a des mecs qui t'appellent, bien entendu, on te communiquera les appels. Et puis si t'as hein? vu... Parce si que t'as tu vas peut-être trouver ce soir, t'auras peut-être pas besoin d'aller au transfert. Hein? Et puis Alexandre, si t'as eu du bonheur, dans 15 jours ou dans 3 semaines, tu nous appelles. Tu pourras nous appeler si t'as une expérience comme ça. D'accord, oui, je le ferai. Oui. Hein, c'est vrai. Si je vous raconterai tout. Tu me jures sur la tête de ta bite. Ah oui, bon. Sans problème. Allez. Et que le bout il tombe si tu nous mens. Hein. Bon. Allez Alexandre, on t'embrasse. D'accord. Comme le nez de Pinocchio. Alors, pour contacter Alexandre, qui a 20 ans, qui recherche des garçons hard, baraqués, des costauds entre 25 et 35 ans, qu'ils appellent au 43 57 69 70, 43 57 69 70 pour Alexandre. Et en fait d'adresse, on me demande toujours des réseaux téléphoniques. Vous recevez un... Vous recevez mais oui, alors des réseaux téléphoniques, il faut dire que ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus, mais il y a des réseaux. Minitel. Minitel. Alors ? Alors pour les garçons qui recherchent des garçons, comme Alexandre, pour des garçons des qui recherchent... Bah oui, non, mais c'est mon... C'est le... Ton aérophagie. Non, c'est la tagine. Ah, voilà. J'ai mangé une tagine tout à l'heure au... Ah bah attends, c'est quoi? Oh, c'est un bout de mouton qui remonte. Voilà. Ah, c'est une tagine au mouton que j'avais mangé. C'est mais là, ce que tu m'envoies dans la gueule, c'est la semoule. Hein. C'est pas le sable du désert. Hein. On fait aussi un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent de tôt, là. Parce ah ouais, ouais, ouais. On vous aime quand même. Hein. On pense à vous. On pense à vous, très très fort. On sait... En plus, on va aller vous rejoindre d'ici peu. Avec toutes les escroqueries qu'on est en train de faire en ce moment. On aura une place. On va bien, se retrouver où bien chauffée. Au D4, on va être au D4. Oh oui, oh, bah oui. Non, où c'est qu'on va être oui. C'est au D4, je crois qu'on va être. Nous mettrons en QHS, quartier, nous. En quartier de... Ouais, ou quartier SSR. Oh oui, SSR. C'est-à-dire, t'avais trouvé SSR, ça seul, vous... seul et sûr de le rester. Alors donc, pour les mecs qui aiment les mecs, sur Minitel, voilà. Vous faites 36-15. Et vous tapez gay. Si par exemple, vous êtes hétéro, et vous avez vraiment envie de rencontrer un garçon, voilà, il y en a plein qui n'osent pas, qui ne savent pas comment faire, bah c'est très simple, vous avez un réseau Minitel qui vous permettra de pouvoir rencontrer le garçon de vos rêves, vous faites le 3615 et vous tapez gay, G-A-Y, 3615 et vous tapez gay. Maintenant, si vous êtes broute-broute, c'est-à-dire si vous êtes une fille et vous aimez les filles, un peu bah, doudou, on a vu un film, l'autre jour, les sœurs broutées. Voilà, bah c'est ça. Si vous êtes garçon et vous aimez les filles ou filles et aimez les garçons, si vous êtes hétéro tout simplement ou lesbienne, eh bien vous faites le 3615 et vous tapez Lio, L-I-O. 3615, tapez Lio, L-I-O. Et puis si vous voulez bouffer la bite, bah, vous faites 43 57 69 70. 43 57 69 70, elle est bien gonflée, elle est bien raide, elle a pas joué. Vous demandez David. Elle a pas joué depuis 6 jours. Que vous voulez passer une petite annonce? Non, moi tout va très bien. Vous avez arrêté complètement. Le harem et. Non, le harem et. Le carnet de balle. Le carnet de trous de balle. Comment tu as fait sur votre harem? C'est Abdel, Hakim, Nasser, Malek, Sardine, Moustique. Oui, mais il y a aussi. Rashtek. Oui, mais il y a Nordine. Aussi Pascal. Non, Pascal, non, chérie, non. Il y a Christian. Non, oui, Christian, c'est un gros point. Mais c'est parce que ce sont des jeunes gens chaleureux et puis il faut les aider. Ah, d'accord. Et c'est meilleur pour... C'est efficace, rapide et sans lendemain. Voilà. Bon. C'est comme... Et la petite camelle. Et ah, ben, je me souviens quand je vous l'ai présentée. Elle avait été bien écœurée. Hein. La petite camelle, je vais vous raconter toute l'histoire. Ah bah attendez, nous allons passer à une auditrice. Alors camelle, et vous? Allô? Salut. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? C'est Véronique. Véronique. Oh, c'est marrant. Véronique qui rit quand on voit Annick. On a dû jamais te l'insérer, celle-là. Non. Ah, t'inquiète pas, voilà, on te la refera. Non, tu as quel âge, Véronique? J'ai 18 ans. Oui, on t'as le temps. Ouais. Et voilà, moi, je vais exprimer mon fantasme. Mmh. Ah, voilà. Moi, en fait, c'est de me faire déshabiller dans une synagogue devant des rabbins, devant des gens. Mmh. Mais moi, on trouve... T'es sûr que tu t'appelles Véronique, tu t'appelles pas Rachel? Non, je m'appelle Véronique. Je suis vénézuélienne. Alors, je parle pas très bien français. Tu es quoi? De Venezuela. Ah, Venezuela. Bon, parce que tu parlais comme Rick Azaray. Non, excusez-moi, non. Et puis voilà, mon fantasme, c'est de me déshabiller dans une synagogue. Où tous les gens sont en train de prier et tout. Et puis moi, je suis en train de me déshabiller, jeter tous mes vêtements sur les champs. Et puis voilà. Et pourquoi une synagogue est plus qu'une mosquée ou une église catholique? Non, pas du tout. Non, parce que les rabbins, ils peuvent baiser. Ah bon? Ah bah c'est fait. Bah, les rabbins peuvent se marier. Alors, ouais, mais ça dépend avec qui, hein. Ah. C'est pas toujours facile. Est-ce que c'est l'appel d'Arlette qui t'a un peu permis de nous appeler? Kervlette. Bah, je ne connais pas, je suis toute seule. Hein. Non, mais il y a une fille, la première auditrice, qui nous a appelé pour nous expliquer de quelle façon elle avait baisé avec un curé. Non, oui, c'est, ça m'a attiré, ça, surtout, mais ça, j'ai un fantasme depuis, il y a longtemps, ça. Ah. Et il y a longtemps, parce que ça m'attire beaucoup aussi, les garçons juifs et tout, j'aime bien leur style, ils me font très rire. Et puis, à cette fois, j'ai mon fantasme de que je me déshabille, je sais pas, dans un truc, ce qu'ils font, les prières, quoi. Oui. Et ça m'avait venu dans la tête, bon, une voilà, synagogue. Pourquoi pas. Hein? C'est la synagogue qui t'excite, hein? Ouais, surtout, parce qu'ils ont les cheveux là. Le côté sacré, religieux, tout ça. Ouais, et puis que je suis en train de les habiller, ah, la salope, regardez comment ils se déshabillent, la parente, et mais tout. Mais ils risquent de te jeter, peut-être. Hein? Ah oui, mais là. Justement, je suis en train de me sauver, hey, vous ne m'attrapez pas, blablabla. Voilà. Et puis voilà, je me vois comme ça. Ma petite Véronique. Mais dis-moi, dans une mosquée, ouais. ça te plairait pas non plus? Quoi? Une mosquée, dans une mosquée. Non, dans une mosquée, non, parce qu'ils sont afro. Je n'aime pas tellement les styles arabes, j'aime bien. Elle aime les beaux feuges. Voilà. Oui, les rabbins, ils ont la barbe. Oui, j'aime bien les tirs de la barbe, ils jouent, et puis je vais sur eux, ils sortent la langue, et voilà, tu m'attrapes pas, viens, et puis je vais à cascade, des trucs comme ça, quoi. Voilà, c'est très courant, hein. Oui, il y en a beaucoup. Ça se fait beaucoup, hein. Ah, mais j'ai jamais ça se faisait pas il y a quelques temps, mais là, ça vient. Alors, de sortir. Mais il vient, comment tu vas mettre ça en pratique? J'en sais pas, parce que j'aimerais bien réaliser ça, mais je ne sais pas comment faire. Bah si tu veux, on peut faire une synagogue à la maison, samedi après-midi. Je voudrais une vraie synagogue. T'as déjà le chandelier. Je voudrais une vraie synagogue parce que je trouve ça passionnant. C'est un peu comme un film, je mettais dans ma tête. Oh, mais tu vois pas... Et puis les c'est femmes... C'est un gros sacrilège, quand même. Tu vas te pêcher, hein, tu vas te faire... Toutes les Rebecca, voiture lente. Tu vas te faire canner, hein. Le rabbin, il va te fumer. Oui. Il rouge un homme télérem et tout. Ils vont te faire sauter un coup de fusil à pompe dans la gueule, ça va te faire un détartrage gratuit. Pourquoi? Mais s'il m'attrape, c'est ça. Ah bah oui, s'il t'attrape, je sais pas, soit il te passe à 50 dessus, ou soit, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut faire, il lui jette des pierres. Ben oui. Mais non, on n'est pas c'est dans cette époque. C'est gros sacrilège quand même, non? Non, mais sacrilège aussi, c'est dans l'église. Mais t'as qu'à faire ça au sentier, c'est pareil. Non, tu mais au sentier, c'est pas pareil. En sentier, il y a plein de puits qui sortent. Moi, je mets ça. Mais non, pareil. Tu fais ça dans chez un grossiste, il y a plein de vendeurs et tout. Ouais, mais ça. C'est pas des rabbins. J'ai envie des rabbins. Et puis, il y a les autres qui entrent là. Et puis, moi, je mets ça dans le centre où ils font les prières. Donc, tu voulais la vraie. Mais papa, et par hasard, voilà, je mets des avis. Ici. Et qu'est-ce que tu aimes faire avec les hommes? Qu'est-ce que je. Ben, ça dépend. Moi, je suis très sentimentale, alors... Ah bah, on s'en était aperçu, hein. Non, j'aime bien aimer quelqu'un pour faire quelque chose, sinon je fais rien. Est-ce que tu es suceuse? Non, pas du tout. Ah. Ça dépend, ça peut m'attirer quand la personne, je la connais très bien. Parce que les juifs, ils adorent se faire sucer. Ouais, mais ça dépend aussi, si j'aime beaucoup cette personne, je peux le faire à toute confiance, quand je ne connais pas... Et puis, je me sens pas très bien quand je connais. C'est le contraire de nous. Hein? C'est le contraire de nous. Non, parce que moi, j'aime bien me sentir à l'aise quand je connais. Et quand on les connaît, on les suce plus. Non, mais c'est tout à fait différent. Ça dépend des cas. Il y a des cas différents. Moi, il faut que je connais bien la personne et tout, que je peux me donner complètement. Sinon, c'est impossible. Tant qu'elle fait des conneries, là, je me déshabiller, citer les autres. Pourquoi pas? Est-ce que tu aimerais un jour réaliser, je sais pas, un fantasme? Être dans un cinéma porno et non. Puis exciter des hommes dans un cinéma sans qu'ils te touchent. Non, parce que je n'ai pas envie que ça passe au public, mais j'aimerais bien faire instantané, comment je veux dire, genre instantané, ça vient comme ça et puis il faut le faire, hop. Faut pas le faire dans un film tout préparé et tout, moi j'aimerais bien vite. Ah, comme ça, voilà, un jour dans ça. Un supermarché, un truc comme ça. Voilà, un jour je mets des avis, je dis voilà, je me montre, ça vous plaît. Et tu es belle de corps? Ben écoute, j'étais mannequin. Non. Mais bon, maintenant... Mais joli, tu es du pays de la cocaïne. C'est la Colombie plutôt. Non, oui, mais le Venezuela... Je suis vénézuélienne et j'étais mise... Il y a beaucoup de cocaïne au Venezuela. Il y a un an, j'étais mise de Venezuela. Miss Bogota. Ouais, voilà. Et puis, j'écoute beaucoup votre radio, ça me fait beaucoup rire. Et puis, j'ai envie de se poser quelque chose quand même. Parce que je ne connais pas beaucoup de monde à Paris, alors... Voilà, quand je pose la radio et tout ça, ça me fait... Mais tu ne voudrais pas te déshabiller devant moi? Ça me pose la question, pourquoi et que je te lèche bien la chatte. Mais sentimentalement. Et avec amour, avec amour. Et que je te lèche bien avec amour, la chatte. Bien, et je te caresse, et je te caresse tout ton corps, je te lèche tes pieds, tes jambes, tes cuisses, l'intérieur de tes cuisses, je te bouffe les seins et tout, je te lèche en dessous de ton bras. C'est très beau tout ça, mais il faut le faire aussi. Hein. Dans le coup, je te frotte ma bite contre ton ventre et tout, je te la cale entre les seins, je te... Bah tu vas être surprise alors si tu veux voir. Hein? J'aimerais que je te lèche partout. Et tu sais combien je fais des sangs? Je fais 100. Non. Ouais. Claude! Ça c'est bon ça. Hein? Tu fais 100 de poitrine. Bon. Mais ça venait comme ça d'un seul coup, alors ça grossit. Parce que moi aussi je suis joueur. Hein. Quoi? Je suis joueur. Si tu veux un jour je peux t'amener au bois, on y va tous les deux. Ah, attends, au bois dans la voiture, je t'emmène dans la voiture. Ouais. Et on fait des fantasmes comme ça. Non. Et tu lèves un peu ta jupe dans la voiture, tu montes ta chatte aux mecs qui sont autour et qui nous branlent. Ah non, pas du tout, c'est pas ça que je veux. T'aimerais pas, les mecs ils s'excitent, mais ils te touchent pas, hein, ils touchent pas la voiture. Hein. Non, mais c'est-à-dire, c'est-à-dire que ce que je voulais faire, c'est que les gens disent, oh là là, la honte, regarde et tout, qu'est-ce qu'il fait, la garce et tout. Et puis moi. Et bah là c'est pareil, vous me dites ça. Là c'est ça, hein. Mais non, pas. Oh, tu montres tes gros seins, et tu montres tes deux. Pomédos. Tes deux melons. Voilà, mes deux melons. Tes deux melons, tu montres ça à la cliente. Oh, ma chérie, je t'aime déjà. Mais il faudra que tu me suces un peu quand même. Mais on aura vécu une grande histoire d'amour en direct. Hein. Tu comprends, moi, sucer, je n'aime pas tellement parce que... je trouve que ça, il faut le faire avec concentration. T'inquiète, il faut aimer bien fort. Ça, t'inquiète pas, tu vas aimer la vie. Eh bien, l'émission s'achève sur une jolie histoire. Non, on va prendre encore un appel. On a encore on a une petite Michou. Ah, alors on va prendre derrière. Eh bien, Véronique, on te remercie. Merci de ton appel. Je t'embrasse partout, ma poupée. Mais Véronique, ça s'appelle Véronique au Venezuela? Non, je m'appelle Véronique, mais je suis du Venezuela. Mais bon, j'ai appelé comme ça pour rencontrer mon fantôme. Bien sûr. D'accord. Mais c'était super. On t'embrasse partout. Oui, d'accord, je te fais un gros bisou, ma poupée. Enfin. Allez, je te souffle dans la chatte. 43 57 69 70, le numéro de téléphone de la station, si vous désirez passer à l'antenne, mais je pense qu'il est un peu tard maintenant. Nous allons prendre le dernier appel. C'est Marie Brice, un auditeur, parce que c'est Michou. C'est une femme ou un homme, allons-y. Allô. Salut. Ah. Vous êtes censé jamais si Michou, parce que vous connaissez une femme qui s'appelle Michou. J'en connais une et je connais aussi un monsieur qui s'appelle Michou. Ah voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, bah dites donc, Michou, vous portez bien votre nom. Salut. Oui. Enfin, c'est Jean-Michel, c'est un pseudo, Michou. Ah, Jean-Michel. Vous avez quel âge, mon petit chat? 20 ans. 20 ans. Vous aimez les garçons ou les filles? Bah, les filles, mais enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir des aventures avec les garçons. Oui? Oui. Et tu préfères quoi? Je préfère quand même les filles. Ouais. Les filles. Et tu as eu des aventures avec des garçons, comment ça s'est passé? Ben c'était quand même assez à l'improviste, je m'y attendais pas trop. Ah, et tu as envoyé la purée quand même? Ouais. Oh. Ouais, c'était bon? Ah oui, c'était bon. Ouais, il t'a sucé, tu t'es... Ouais, ils étaient deux. Ils étaient deux? Ouais. Et ils t'ont sauté sur le morceau, ils t'ont bouffé la bite, et toi tu les as sucés un peu? Ah ben les deux. Non. Tu peux te présenter physiquement? Bah, je suis assez grand, je suis 1m81, ouais. Blond et j'ai les yeux bleus. Ouais, et puis le corps, poilu, imberbe. Poilu. Poilu, beau, très poilu. Oui. Très poilu. Et la quéquette? Oh, énorme. Énorme. Ouais. Non. Non. C'est quoi énorme? Mais qui vous l'a dit? Bah, longue et énorme, c'est au moins 20 cm. Oui, 20 cm. Oh. Et l'autre qui se déloque encore derrière. C'est vraiment une salope. Il y en a une qui se déshabille encore derrière. Une pute, elle veut la face. Elle est folle amoureuse de moi. Et elle veut me faire. Elle fait un très joli corps. On dirait une poupée. Et alors qu'est-ce que tu... Mais tu nous appelles pour un fantasme précis, j'imagine. Bah, c'est-à-dire que j'ai un petit problème. Oui. Ah. C'est que j'ai comme une quinzaine d'aventures et je jouis très vite. Ah, éjaculation précoce. Ouais. Mm-hmm. Non, tu jouis trop trop vite, c'est-à-dire tu jouis quand tu es au bord du trou? Non, quand même pas. Enfin, non. Même au bout de 10 minutes quand je suis prêt. Oh, bah 10 minutes ça va quand même. Enfin. Mais tu sais que quand tu sens que ça arrive, il faut arrêter. Ouais, mais c'est pas facile. Ah bah oui, mais à la limite, moi j'appelle éjaculateur précoce et celui avant de poser son ben sur la chaise qui a déjà envoyé la purée. Ouais, quand même. Mais bon, quand t'as déjà... quand t'as déjà baisé, quand, t'as déjà baisé 10 minutes, à la limite, il faut que t'arrêtes un peu quand tu sens que ça vient. Ouais. Moi, c'est pareil, hein, au bout de 10 minutes, des fois, j'ai envie d'envoyer, bah, j'arrête. Bah, il faut se dominer, hein, c'est un... C'est à toi de te contrôler. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Il n'y a pas de remède miracle. Ceux qui sont les meilleurs baiseurs, c'est ceux qui arrivent le mieux à se contrôler. Retenir, à se retenir. Ah, mais c'est pas très facile. Bah, il faut que tu penses à quelque chose qui ne te plaise pas au moment où tu... C'est une gymnastique. Tu gymnastiques de la tête, hein, il n'y a pas de remède pour ça. Ouais. Mais souvent les mecs jeunes, effectivement, ont ça et après ça... Ça marche. Oui, mais non, parce que c'est des c'est tellement violent les premières fois, on a tellement envie. Mais après ça se... Mais qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes te faire sucer? Tu régularise. Aimes lécher une chatte, sucer une bite? Limer les chattes, ouais, j'adore. Tu aimes limer les chattes et sucer une bite? Ouais aussi. Et te faire sucer? Tu aimes sucer? Bah allez, bah dis donc. J'adore me faire sucer. Tu adores te faire sucer? Alors bah si tu veux, on peut te trouver quelqu'un, hein. Ah, pour, oui, hein. Pour bien te sucer. Ouais, c'est ça, hein, voilà, il y en a un qui dit à côté de moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Évidemment, nous, d'autres, il faut qu'ils jouissent après tout seul, hein, parce que toi, tu as envoyé la purée et puis c'est fini. Puis après, tu n'as plus envie de rien, tu es dégoûté. Bah oui, c'est vrai. Mais tu trouves facilement des camarades? Non, pas trop. Ouais, tu es joli? Bah oui. Oui, oui. T'as pas un visage déformé? Non. Non? C'est ça, mon chéri. Et puis, avec une grosse bite comme ça, tu devrais... Oui, ça fait... Ça substantue au manque de conversation, qui me semble assez évident. Ça fait la balance. Ça fait la balance, oui, tu sais. Tu sors ta bite, puis voilà, hein, il y a toujours un ou une qui sera digne. Et s'il y a des garçons ou des filles qui t'appellent ce soir, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On te communique leur numéro de téléphone? Bah ouais. Hein, ce serait bien? Ouais. Pour toi, si tu peux bien jouir. Bah ouais, ouais. Bah ouais. Et tu habites où? Dans quel coin? Paris, centre. Dans le 13e. Dans le 13e? Ah bah et tu voudrais rencontrer quelqu'un ce soir? Ce soir, ouais. Ouais. On a ce un copain bien, hein. qui part, là. Bon. On va te trouver quelqu'un, hein. Ouais. Mon petit Michou. Mais tu n'as pas menti, hein. Tu fais bien ce que tu nous as raconté. Un bon vin, hein. Parce que sinon... Parce que bon... Il y a des réclamations, après. Parce que, tu sais, les gens qui aiment sucer... ils aiment quand même qu'on leur donne une bonne marchandise à sucer, hein. Ouais, bien sûr. Tu arrives à décaloter. Ah bah oui. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais t'envoies la purée trop vite. Ça, bah, il faut te retenir. Au moment où tu sens que ça vient, on arrive bien à sentir avant quand ça vient. Bah, tu te retires. Ouais. Ah bah oui. C'est vrai, non? Oh, mais c'est pas facile, toujours vrai. Bah ouais, on va t'apprendre. On va te donner une... on va te faire une leçon. D'accord? Ouais. Bon, s'il y a des personnes qui veulent appeler, des filles ou des garçons, ils appellent, hein. Et c'est pour Michou qui a une grosse queue et qui veut se faire sucer. Voilà. Pour Michou qui a une grosse queue et qui veut se faire sucer. Donc on te rappelle au numéro que tu nous as laissé. Ouais. Et on te communique, hein. Je suis dans une cabine. D'accord. Bah tu restes encore 10 minutes. Ouais, d'accord. Ok, tu bouges pas, hein. D'accord. Parce qu'on te recontacte pour donner le numéro de téléphone. D'accord. Tu restes là pendant encore 5-10 minutes, hein. D'accord. Voilà. Eh ben c'était la fin de cette émission. 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone de la station. On se retrouve comme tous les mardis à partir de 22h et jusqu'à minuit pour Lune de Fiel avec David et Zaza. Vous étiez branchés sur Futures Générations 94.4. Mais dis n'importe quoi. C'est pas vrai, c'est pas de 22h à minuit, c'est de 22h30 à minuit 30. Mais comme vous l'avez tous compris, il s'agit, c'est bien, d'un best-of. De jouissance. Là, tout ce que vous entendez, ça a déjà passé. Tapez gay. G-A-Y. Voilà. Moi, je vous recommande un autre truc. Vous tapez 3615 gay si ça vous amuse. Mais il y a beaucoup mieux, beaucoup plus rigolo. On vous embrasse partout. Voilà, on vous embrasse partout. Vous êtes au courant maintenant? Non, il y a un truc rigolo, c'est le 3615 code TDM. Alors vous faites 3615 et TBM, TDM comme très bien monté. Ou alors comme Tata baise moins, par exemple. Ou alors Tata baise mieux, je serais plus sûr. Ou alors comme Tantine, Bois, Mon, pour l'interrogation. Bref, 3615 code TDM. Et là, vous avez une rubrique spéciale, Lune de Fiel. Ça veut dire si c'est bien. 3615 code TDM. Et aussi les badges. Ah, les badges. Ils sont beaux, les badges. Les badges, c'est un moyen de communication, tout ce qui est de plus moderne. C'est 3 badges pour 50 balles et 50 francs. Alors 50 francs, attention, les 50 francs, il faut les faire en chèque, soit en chèque à l'ordre de David Girard, ou alors en mandat-lettre. Alors en mandat-lettre, ça va se chercher à la poste. Et tout ça à l'ordre de David, et son nom à David, c'est Girard, donc à l'ordre de David Girard. Alors surtout, vous n'envoyez pas d'espèces, c'est de la dernière bêtise d'envoyer une espèce. Et pourquoi? Parce que simplement, les pièces, ça passe pas à la machine. Il est interdit d'envoyer des billets par la poste, au cas où vous n'êtes pas au courant. C'est la loi, c'est défendu, il faut pas. Donc des chèques, alors des bandes à lettres. Et tout ça, vous l'envoyez à David et Zaza, l'une de Fiel, 21 rue de la Chapelle, dans le 18e. David et Zaza, l'une de Fiel, 21 rue de la Chapelle, 75 018, Paris. Et 48 heures plus tard, vous avez vos badges. Et 48 heures plus tard, vous commencez à baiser comme des fous grâce au badge. Parce que c'est magique, c'est comme la lampe. Vous donnez le badge et vous frottez. Et ça marche, il y a des amis qui apparaissent. Alors surtout, surtout, surtout, si vous voulez qu'on les renvoie dans les 48 heures, n'oubliez pas de mettre vos noms et vos adresses. Ça a l'air nul comme ça, des choses pareilles, mais si vous saviez le nombre de bures, de bandits et de connards qui envoient ça, 50 balles, c'est en pièces de 10 francs, sans nom et sans adresse, alors là c'est vraiment trop drôle. Bref, si vous avez quand même eu un pépin, si vous avez tout bien fait, c'est-à-dire que vous envoyez un chèque à l'ordre de David Girard, à l'adresse invitée, avec vos noms et vos adresses, et que néanmoins, malgré tout, et pourquoi pas tout à trac et fort à mal à propos, vous ne receviez pas vos badges, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous téléphonez à David, ou alors vous écrivez à David, et des jours après, une dizaine de jours après, le temps qu'on ait un problème potentiel et tout ça, puis on lui renvoie, puis on dit à la poste qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes nul, eh bien, vous aurez vos badges. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple, et c'est vrai. Voilà, c'était un spécial Lune de Fiel, spécial sans David, sans Joa, sans Pascal, Pierre, je vous le rappelle, et sans Docteur Rousse, Pierre, je vous le rappelle, tous les quatre sont partis se faire redorer, qui les roubignoles, qui les... la poitrine blanche, bon, le balcon bien fourni et tout ça, et tout ça. Où ça? Dans une bonne ville à l'île Maurice. Vous les retrouverez donc dès la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour Lune de Fiel, à demain 6h pour les émissions de Trois Générations, et je vous fais surtout un regard très très important, c'est pour la soirée crotte de nez. La soirée crotte de nez, eh bien, ce sera samedi à minuit au Cirque Hiver. Pour plus de renseignements, vous écouterez à partir de 20h30 la radio, la antenne, cette génération. Et ce sera l'émission Grave, on vous donnera tous les détails. Ce sera pour la soirée Crotte de Nez. Ce sera le samedi 28 mai au Cirque Hiver. En attendant, excellente soirée à tous. Je vous dis et à plus tard. Future génération, la machine à son. Vous êtes à la recherche d'un emploi, alors rendez-vous tous les matins de 6h à 12h. Si vous offrez des emplois, rendez-vous tous les jours au 43 57 69 70. Le samedi 27 mai au Cirque d'Hiver Bouglione, la nuit sera belle. Le guépier beau aura 10 ans. 21h, One Woman Show, Sylvie Joly, le tout présenté par Frédéric Mitterrand. À partir de 23h, nuit dance music, suivi d'une interview choc d'Alice Saprich. Eric Morena, Didier Gustin, Karim Cassel, Yvette Horner et les Charlie Mex the Cook feront la fête avec vous. Alors, tous au Cirque d'Hiver, le samedi 27 mai pour les 10 ans du Guépi Hebdo. La machine à son. Oh ma chérie, comme elle est libre et les autres sont jaloux.